Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie-Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. Troisième épisode. Souvenirs et regrets. Mariée depuis quelques années, votre amour est devenu si placide que Caroline essaie quelquefois le soir de vous réveiller par de petits mots piquants. Vous avez ce je ne sais quoi de calme et de tranquille qui impatiente toutes les femmes légitimes. Les femmes y trouvent une sorte d'insolence. Elles prennent la nonchalance du bonheur pour la fatuité de la certitude, car elles ne pensent jamais au dédain de leurs inestimables valeurs. Leur vertu est alors furieuse d'être prise au mot. Dans cette situation, l'appétit du mari a certainement besoin des condiments de la toilette, des pensées de l'absence, des irritations d'une rivalité supposée. Enfin, vous vous promenez avec votre femme sous le bras, sans serrer le sien contre vos flancs, avec la craintive et soigneuse cohésion de l'avare tenant son trésor. Vous regardez à droite et à gauche les curiosités sur les boulevards, en gardant votre femme d'un bras lâche et distrait, comme si vous étiez le remorqueur d'un gros bateau normand. Vous en êtes là, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Cependant, vous enterrez au fond de votre cœur et de votre conscience une horrible pensée. Caroline a des défauts qui, par la haute mer de la lune de miel, restaient sous l'eau et que la marée basse de la lune rousse a découvert. Vous vous êtes heurté souvent à ses écueils, vos espérances y ont échoué plusieurs fois vos désirs de jeune homme à marier. Où est-ce temps? Y ont vu se briser leurs embarcations pleines de richesses fantastiques. La fleur des marchandises a péri, le lest du mariage est resté. Enfin, en vous entretenant de votre mariage avec vous-même, vous vous dites, en regardant Caroline... Ce n'est pas ce que je croyais. Un soir, au bal, dans le monde, chez un ami, n'importe où, vous rencontrez une sublime jeune fille. Belle, spirituelle et bonne. L'inconnue est riche, elle est instruite, l'être rêvé. Celle que vous vous sentez le pouvoir d'aimer toujours. Elle flattera toujours vos vanités, elle entendrait et servirait admirablement vos intérêts. Enfin, elle est tendre et gaie, cette jeune femme qui réveille toutes vos passions nobles, qui allume des désirs éteints. Vous regardez Caroline avec un sombre désespoir. Et voici les fantômes de pensée qui frappent, de leurs ailes de chauve-souris, de leurs becs de vautour, de leurs corps de phalène, les parois du palais où, comme une lampe d'or, brille votre cervelle allumée par le désir. Première strophe. Pourquoi me suis-je marié? Quelle fatale idée. Comment, c'est fini? Je ne puis avoir qu'une femme. Deuxième strophe. Ma femme est malade. Elle tousse quelquefois le matin. Mon Dieu, s'il est dans les décrets de votre sagesse de retirer Caroline du monde, faites-le promptement pour son bonheur et pour le mien. Cet ange a fait son temps. Troisième strophe. Mais je suis un monstre! Caroline est la mère de mes enfants! Votre femme revient avec vous en voiture et vous la trouvez horrible. Elle vous parle, vous lui répondez par monosyllabes. Qu'as-tu donc? Rien. Elle tousse. Vous l'engagez à voir dès demain le docteur. La médecine a ses hasards. Quatrième strophe. Il faut prendre garde à toi. Croise ton châle. Soigne-toi. Oui. Mon ange aimé. Votre femme est enchantée de vous. Vous paraissez vous intéresser énormément à elle. Pendant le déshabillé de votre femme, vous restez étendu sur la causeuse. Quand tombe la robe... Vous contemplez la divine apparition qui vous ouvre la porte d'ivoire des châteaux en Espagne. Extase ravissante. Vous voyez la sublime jeune fille. Cette jeune fille sublime. Vous la voyez les yeux fermés. elle domine votre pensée et vous dit alors, cinquième et dernière strophe, « Divine, adorable, existe-t-il deux femmes pareilles, rose des nuits, tour d'ivoire, vierge céleste, étoile du soir et du matin ?» Chacun a ses petites litanies. Vous en avez dit quatre. Le lendemain, votre femme est ravissante, elle ne tousse plus, elle n'a pas besoin de docteur. Si elle crève, elle crèvera de santé. Vous l'avez maudite quatre fois au nom de la jeune fille et quatre fois elle vous a béni. Vous sortez furieux, vous enragez et vous êtes heureux de rencontrer un ami sur le boulevard pour y exhaler votre bile. Mon ami, ne te marie jamais. Il vaut mieux voir tes héritiers emportant tes meubles pendant que tu râles. Il vaut mieux rester deux heures sans boire, à l'agonie, assassiné de paroles testamentaires par une garde malade. Ne te marie sous aucun prétexte. Heureusement, vous ne revoyez plus la sublime jeune fille. Vous êtes sauvé de l'enfer où vous conduisez de criminelles pensées. Vous retombez dans le purgatoire de votre bonheur conjugal. Mais vous commencez à faire attention à Madame de Fichtaminel, que vous avez adorée sans pouvoir arriver jusqu'à elle quand vous étiez garçon. Le temps conjugal. Sous cette ligne voisine d'un signe tropical sur le nom duquel le bon goût interdit de faire une plaisanterie vulgaire et indigne de ce spirituel feuilleton, il se déclare une horrible petite misère ingénieusement appelée le temps conjugal, de tous les cousins, moustiques, puces et scorpions, le plus impatientant en ce qu'aucune moustiquaire n'a pu être inventée pour s'en préserver. Le temps ne pique pas sur le champ. Il commence à tintinabuler à vos oreilles et vous ne savez pas encore ce que c'est. Ainsi, à propos de rien, de l'air le plus naturel du monde, Caroline dit « Madame Deschard avait une bien belle robe hier. » « Elle a du goût. » répond Adolphe sans en penser un mot. « C'est son mari qui la lui a donnée. » réplique Caroline en haussant les épaules. « Hein ? » ?»« Oui, une robe de 400 francs. Elle a tout ce qui se fait de plus beau en velours. »« 400 francs ?» s'écrie Adolphe en prenant la pose de l'apôtre Thomas. « Mais il y a deux laits de rechange et un corsage. »« Il fait bien les choses, monsieur Deschard. »« Tous les hommes n'ont pas de ces attentions-là. » Adolphe se dit en lui-même « Caroline veut une robe. » Le pauvre homme. Quelque temps après, Monsieur Deschard a renouvelé la chambre de sa femme. Puis Monsieur Deschard ne sort jamais sans sa femme ou ne laisse sa femme aller nulle part sans lui donner le bras. Si vous apportez quoi que ce soit à Caroline, ce n'est jamais aussi bien que ce qu'a fait Monsieur Deschard. Si vous vous permettez le moindre geste, la moindre parole un peu trop vif, vous entendez cette phrase sibilante et vipérine. Ce n'est pas Monsieur Deschard qui se conduirait ainsi. Prendons Monsieur Deschard pour modèle. Enfin, l'imbécile Monsieur Deschard apparaît dans votre ménage à tout moment et à propos de tout. Ce mot « Vois donc un peu si Monsieur Deschard se permet jamais » est une épée de Damoclès, ou ce qui est pis, une épingle. Et votre amour propre est la pelote où votre femme la fourre continuellement, la retire et la refourre sous une foule de prétextes inattendus et variés, en se servant d'ailleurs des termes d'amitié les plus câlins ou avec des façons assez gentilles. Adolphe, tanné jusqu'à se voir tatoué de piqûres, finit par faire ce qui se fait en bonne police, en gouvernement, en stratégie. Il avise Madame de Fichtaminel, femme encore jeune, élégante, un peu coquette, et il la pose, le scélérat se proposait ceci depuis longtemps, comme un moxa sur l'épiderme excessivement chatouilleux de Caroline. Oh, vous qui vous écriez souvent « Ah, je ne sais pas ce qu'a ma femme !» Vous baiserez cette minute de philosophie transcendante, car vous allez y trouver la clé du caractère de toutes les femmes. Mais les connaître aussi bien que je les connais, ce ne sera pas les connaître beaucoup, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Enfin, Dieu, vous le savez, s'est trompé sur le compte de la seule qu'il ait eu à gouverner et qu'il avait pris le soin de faire. Caroline veut bien piquer Adolphe à toute heure, mais cette faculté de lâcher de temps en temps une guêpe au conjoint, terme judiciaire, est un droit exclusivement réservé à l'épouse. Adolphe devient un monstre s'il détache sur sa femme une seule mouche. Vous aimez donc bien Madame de Fustaminel ? Qu'a-t-elle donc dans l'esprit ou dans les manières de si séduisant, cette araignée-là ? Mais, Caroline... Oh, ne prenez pas la peine de nier ce goût bizarre. Il y a longtemps que je m'aperçois que vous me préférez cet échat-là. Madame de Fustaminel est maigre. Eh bien, allez, vous aurez bientôt reconnu la différence. Comprenez-vous ? Vous ne pouvez pas soupçonner Caroline d'avoir le moindre goût pour Monsieur Deschard, un gros homme commun, Rougeau, un ancien notaire, tandis que vous aimez Madame de Fustaminel. Et alors, Caroline, cette Caroline dont l'innocence vous a tant fait souffrir, Caroline qui s'est familiarisée avec le monde, Caroline devient spirituelle. Vous avez deux temps au lieu d'un. Le lendemain, elle vous demande, en prenant un petit air bon enfant... « Où en êtes-vous avec Madame de Fustaminel ?» Car dans leur colère contre une rivale, toutes les femmes emploient l'invective et font alors arme de tout. Vouloir convaincre Caroline d'erreur et lui prouver que Madame de Fustaminel vous est indifférente vous coûterait trop cher. C'est une sottise qu'un homme d'esprit ne commet pas dans son ménage. Il y perd son pouvoir et il s'y ébrèche. Hélas, Adolphe, il faut reconquérir ta femme, ta Caroline, la reprendre par la taille et devenir le meilleur des maris en tâchant de deviner ce qui lui plaît, afin de faire à son plaisir au lieu de faire à ta volonté. Les travaux forcés. Ah, les femmes sont des enfants. Présentez-leur un morceau de sucre, vous leur faites danser très bien toutes les contredanses que dansent les enfants gourmands. Mais il faut toujours avoir une dragée, la leur tenir haut, et que le goût des dragées ne leur passe point. Les Parisiennes... Caroline est de Paris. ...sont excessivement vaines. Elles sont gourmandes. On ne gouverne les hommes, on ne se fait des amis qu'en les prenant tous par leurs vices, en flattant leurs passions. Ma femme est à moi. Quelques jours après, pendant lesquels Adolphe a redoublé d'attention pour sa femme, il lui tient ce langage. Tiens, Caroline, amusons-nous. Il faut bien que tu mettes ta nouvelle robe. L'appareil à celle de Madame Deschard. Et ma foi, nous irons voir quelques bêtises aux variétés. Ces sortes de propositions rendent toujours les femmes légitimes de la plus belle humeur. Et d'aller. Adolphe a commandé pour deux, chez Borel, au Rocher de Cancale, un joli petit dîner fin. Puisque nous allons aux variétés, dînons au cabaret. S'écrie Adolphe sur les boulevards, en ayant l'air de se livrer à une improvisation généreuse. Seulement, l'addition du restaurant est de 100 francs, la loge en coûte 30 et les voitures, la toilette autant. Cette galanterie monte à un total de 160 francs, quelque chose comme 4000 francs par mois si l'on va souvent à l'opéra comique, aux Italiens et au grand opéra. Mais tout honneur conjugal vaut cela. Depuis quelque temps, Adolphe est charmant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tant de gracieuseté, mais il me comble. Vous êtes bien heureuse. Répond Madame Deschard sèchement et avec une évidente jalousie. Mais une femme qui remplit bien ses devoirs mérite, il me semble, ce bonheur. Quand cette phrase atroce se promène sur les lèvres d'une femme mariée, il est clair qu'elle fait son devoir. À la façon des écoliers, pour la récompense qu'elle attend. Moi, ma chère... Madame Deschard est piquée. Moi, je suis raisonnable. Deschard faisait de ces folies-là... Mensonge à triple péché mortel. Mensonge, orgueil, envie, que se permettent les dévotes. Car Madame Deschard est une dévote atrabilaire. J'ai mis bon ordre. Écoutez donc, ma petite. Nous avons deux enfants et j'avoue que 100 ou 200 francs sont une considération pour moi, mère de famille. Mais madame... dit madame de Fustaminel. Il vaut mieux que nos maris aillent en partie fine avec nous. Deschard ! Dit brusquement madame Deschard en se levant et saluant. Le sieur Deschard, homme annulé par sa femme, n'entend pas alors la fin de cette phrase par laquelle il apprendrait qu'on peut manger son bien avec des femmes excentriques. Axiome. Le vice, le courtisan, le malheur et l'amour ne connaissent que le présent. Au bout d'un temps difficile à déterminer, Caroline est de mauvaise humeur au spectacle et vous ne savez pas pourquoi. Quelques jours après, la couturière arrive, elle essaie une robe, elle rassemble ses forces, elle ne parvient pas à l'agrafer. On appelle la femme de chambre. Après un tirage de la force de deux chevaux, un vrai 13e travail d'Hercule, il se déclare un hiatus de 2 pouces. L'inexorable couturière ne peut cacher à Caroline que sa taille a changé. L'aérienne Caroline menace d'être pareille à Madame Deschardes. En termes vulgaires, elle épaissit. Comment avoir comme cette grosse Madame Deschardes et cascade de chair à la Rubens? Adolphe est un profond scélérat. Il veut faire de moi une mère gigogne et m'ôter mes moyens de séduction. Caroline veut bien désormais aller aux Italiens. Elle y accepte un tiers de loge, mais elle trouve très distinguée de peu manger et refuse les parties fines de son mari. Mon ami, une femme comme il faut ne saurait aller là souvent. Mais s'y montrer habituellement, fi donc. Axiome. La coquetterie tue la gourmandise. Bientôt, il en est du spectacle, comme de la bonne chair. Non. La bonne cuisine faisait engraisser Caroline, le théâtre l'a fait jaunir. En vérité. Dit Adolphe, profondément désappointé le jour où il reçoit de sa femme un refus non motivé. Je voudrais bien savoir ce qui peut vous plaire. Caroline dit, après un temps digne d'une actrice. Je ne suis ni une oie de Strasbourg ni une girafe. On peut en effet mieux employer 4000 francs par mois. Que veux-tu dire ? Avec le quart de cette somme, offert à d'estimables forçats, à de jeunes libérés, à d'honnêtes criminels, on devient un personnage. Et une jeune femme est alors fière de son mari. Cette phrase est le cercueil de l'amour. Aussi, Caroline la prend-elle en très mauvaise part. Il s'ensuit une explication. Ceci rentre dans les 1000 facéties du chapitre suivant, dont le titre doit faire sourire les amants aussi bien que les époux. Des risettes jaunes. Arrivé dans ces eaux, vous jouissez alors de ces petites scènes qui, dans le grand opéra du mariage, représentent les intermèdes et dont voici le type. Vous êtes, Caroline et vous, un soir, seul, après dîner, et vous vous êtes déjà tant de fois trouvé seul que vous éprouvez le besoin de vous dire de petits mots piquants, comme ceci, donné pour exemple. Prends garde à toi, Caroline. Il me semble que ton nez a l'impertinence de rougir à domicile tout aussi bien qu'au restaurant. Tu n'es pas dans tes jours d'amabilité. Règle générale, aucun homme n'a pu découvrir le moyen de donner un conseil d'ami à aucune femme, pas même à la sienne. Que veux-tu, ma chère ? Peut-être es-tu trop serré dans ton corset, et l'on se donne ainsi des maladies. Aussitôt qu'un homme a dit cette phrase à n'importe quelle femme, cette femme saisit son corset et le soulève en disant « Vois, on y peut mettre la main. Jamais je ne me serre. » Ce sera dans l'estomac. Qu'est-ce que l'estomac a de commun avec le nez ? L'estomac est un centre qui communique avec tous nos organes. Le nez est donc un organe ? Oui. Ton organe te sert bien mal en ce moment ? Elle lève les yeux et hausse les épaules. Voyons, que t'ai-je fait, Adolphe ? Mais rien, je plaisante. Et j'ai le malheur de ne pas te plaire. Mon malheur à moi, c'est d'être ta femme. Oh, que ne suis-je celle d'un autre ? Nous sommes d'accord. Est-ce que je dis, moi, que tu engraisses, que tu prends des couleurs de maçon et que j'aime les hommes pâles et maigres ? On dit à Londres, ne touchez pas à la hache. En France, il faut dire « ne touchez pas au nez de la femme ». Et tout cela pour un peu trop de cinabre naturel. Prend-on au bon Dieu qui se mêle d'étendre de la couleur plus dans un endroit que dans un autre, non à moi, qui t'aime, qui te veut parfaite, et qui te crie « gare ». Tu m'aimes trop alors, car depuis quelque temps tu t'étudies à me dire des choses désagréables. Tu cherches à me dénigrer sous prétexte de me perfectionner. J'ai été trouvée parfaite il y a 5 ans. Moi je te trouve mieux que parfaite. Tu es charmante. Avec trop de cinabre. Adolphe s'approche, se met sur une chaise à côté d'elle. Qu'as-tu ? Voulez-vous un verre d'eau et de sucre? Pourquoi? Mais vous n'avez pas la digestion aimable. Vous devez souffrir beaucoup. Peut-être faut-il mettre une goutte d'eau de vie dans le verre d'eau sucrée. Le docteur a parlé de cela comme d'un remède excellent. Comme tu t'occupes de mon estomac. Ah, c'est un centre. Il communique à tous les organes. Il agira sur le cœur et de là peut-être sur la langue. Adolphe se lève et se promène sans rien dire. Mais il pense à tout l'esprit que sa femme acquiert. Elle devient d'une intelligence dans le taquinage et d'une puissance militaire dans la dispute. Eh bien, tu boudes ? Dit Caroline après un demi-quart d'heure donné à l'observation de la figure maritale. Non, j'étudie. Oh, quel caractère infernal tu as ! Dit-elle en haussant les épaules. Est-ce à cause de ce que j'ai dit sur ton ventre ? Sur ta taille et sur ta digestion? Tu ne vois donc pas que je voulais te rendre la monnaie de ton cinabre? Ah, tu prouves que les hommes sont aussi coquets que les femmes. Adolphe reste froid. On plaisante et tu te fâches. Elle regarde Adolphe. Car tu es fâché. Ah, je ne suis pas comme toi, moi. Je ne peux pas supporter l'idée de t'avoir fait un peu de peine. Et c'est pourtant une idée qu'un homme n'aurait jamais eue, que d'attribuer ton impertinence à quelque embarras dans ta digestion. Ce n'est plus mon Dodof, c'est son ventre qui s'est trouvé assez grand pour parler. Je ne te savais pas ventriloque, voilà tout. Adolphe se tient comme gommé. Non, il ne rira pas. Et vous appelez ça dans votre jargon avoir du caractère. Oh, comme nous sommes bien meilleurs. Elle vient s'asseoir sur les genoux d'Adolphe qui ne peut s'empêcher de sourire. Allons, mon bonhomme. Avoue tes torts. Pourquoi bouder? Je t'aime, moi, comme tu es. Je te vois tout aussi mince que quand je t'ai épousée. Plus mince, même. Caroline, quand on en arrive à se tromper sur ces petites choses-là, quand on se fait des concessions et qu'on ne reste pas fâché tout rouge, sais-tu ce qui en est? Eh bien, dit Caroline, inquiète de la pose dramatique que prend Adolphe. On s'aime moins? Oh, gros monstre, je te comprends. Tu restes fâché pour me faire croire que tu m'aimes. Hélas, avouons-le. Adolphe dit la vérité de la seule manière de la dire, en riant. Pourquoi m'as-tu fait de la peine? Ai-je un tort? Ne vaut-il pas mieux me l'expliquer gentiment plutôt que de me dire grossièrement « Votre nez rougit ». Non, ce n'est pas bien. Pour te plaire, je vais employer une expression de ta belle fiche de Minel. Ce n'est pas d'un gentleman. Adolphe se met à rire et paye les frais du raccommodement. Mais au lieu d'y découvrir ce qui peut plaire à Caroline et le moyen de se l'attacher, il reconnaît par où Caroline l'attache à elle. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Catherine Sauval, Elsa Le Poivre. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.